l'université, c'est quand même à l'étudiant de travailler plutôt qu'à l'enseignant. Et donc, une autre, si finalement, après vous avoir écouté, on ne pourrait pas prendre l'inverse, quoi. Dire que finalement, les étudiants, ça me rappelle le discours de Simon Leys pour son honoris causa, qui disait, alors je me souviens des quatre choses, il y avait deux choses indispensables pour l'université, c'est les savants, les bibliothèques, et deux choses importantes, mais pas indispensables, les étudiants, et je me souviens plus de la quatrième. Les professeurs. Ben non, les savants étaient les professeurs. Et en fait, finalement, je me demande si on n'est pas en train de trop de se polariser. Et effectivement, la responsabilité qu'on a, il faudrait peut-être la quitter. Il faudrait quitter notre responsabilité. Je ne pense pas que la question soit posée comme ça du bien-être des étudiants. J'ai ici des documents de la Commission européenne. Par exemple, un texte de 90 s'appelle Éducation et compétences en Europe. 91, éducation et formation à distance, etc. Tous ces textes disent ceci, pas de l'importance de l'enseignement par rapport aux étudiants, mais dans un registre qui est le suivant. L'éducation et la formation des étudiants est un investissement stratégique vital pour la réussite future de l'entreprise. Je veux dire que la notre ministre n'a rien inventé. Ça, c'était en 89. 90, l'enseignement à distance, donc annonce. Ici, on a, si vous voulez, dans les documents européens, les meilleures analyses du MOOC. Les meilleures analyses. L'enseignement à distance est particulièrement utile pour assurer un enseignement et une formation rentables. Cela permet de faire des économies d'échelle. Le monde des affaires devient de plus en plus actif dans ce domaine, soit en tant qu'utilisateur et bénéficiaire de l'enseignement multimédia et à distance, soit en tant que concepteur et négociant en matériel de formation de ce type. Le marché pour l'enseignement à distance est un marché potentiel et sera considérablement élargi. Mais là, j'ai des pages autour de ça. Je pense que c'est ça qu'on va... Et là, il n'y a même plus de professeurs. C'est qu'il y a, c'est ici que j'ai trouvé les expressions prestataires de services et des clients. Il faut régler son enseignement d'après ce que souhaitent les clients. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je pense que justement, nous, pour résister à ça, il faudrait au contraire lâcher notre rôle d'enseignant et d'étudiant, les laisser se débrouiller complètement, accepter les bacheliers pro, je veux dire, qui se rentrent à l'université. Et effectivement, les 5% qui arrivent, je veux dire, il y a un très beau témoignage dans le bouquin de Bonin et Roche. Et on voit justement un gars, il arrive, il dit bah, ouais, c'est vrai que j'étais pas là pour ça. Enfin, j'étais pas fait pour ce monde-là. Quoi. Et finalement, j'ai une licence d'histoire et j'ai découvert un autre monde. Et moi, normalement, j'étais fait pour faire un BTS parce que j'étais fils d'ouvrier. Bah, rien que pour ce gars-là, ça vaut le coup d'ouvrir à tous les bacheliers pro, même s'il n'y en aurait qu'un qui trouve sa voie à l'université. Et bon, mais ça, c'est lui qui se défait, son truc. Donc je pense que la communauté de Repen, effectivement, vend l'université comme un truc utilitaire, un truc pour le savoir. Compétences des étudiants, les MOOC vont remplacer les profs, effectivement, on remplace les profs. Quoi. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas remplacer les profs, à la limite, laisser aller les étudiants, mais finalement, on s'en fout de l'enseignement. Non, mais c'est vrai, finalement, on s'en fout. Dire les gens apprennent eux-mêmes, ils se modèlent effectivement eux-mêmes. C'est les titres d'un rapport, c'est-à-dire que les gens, l'éducation vise à apprendre par soi-même et non plus à recevoir l'enseignement. Je suis assez surpris de ce débat parce qu'on a l'impression que Dominique Carpouche, c'est une professeure d'informatique. Caca. Technologie, c'est pas bien. Alors, on a l'impression que vous récusez, et toi aussi Joël, puisque justement c'est ce que la commission veut nous vendre avec ça. L'enseignement a une transmission de connaissances. Mais ça, j'ai pas besoin d'un ordinateur pour ça, à la limite, c'est pareil avec un livre. Tout à l'heure, vous disiez, on leur apprend à pianoter, etc. Quelqu'un qui a lu un seul livre, pour lui, ce qu'il y a dedans, c'est la vérité, point barre. Et surtout si c'est la Bible, en général. Donc, le problème, qu'est-ce que c'est qu'enseigner? C'est pas apprendre aux étudiants que pour faire une boucle de 1 à 10 dans un langage informatique quelconque, il faut dire for i égale 1, tout disparaît, c'est complètement con. Ça, ils vont le trouver dans n'importe quel bouquin. Qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend à formuler des problèmes, on leur apprend à se poser des questions et à être critique par rapport à ce qui est. Quel que soit l'enseignement, la matière de laquelle on enseigne, qu'est-ce que c'est que mon boulot d'enseignant ou supérieur? C'est de leur apprendre à être critique. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est réducteur en disant c'est tout, mais en gros, c'est ça l'essence, c'est ça la chose principale. Si je veux apprendre à des étudiants à utiliser efficacement ces outils-là, Internet, Wikipédia, on dit énormément de bêtises sur Wikipédia, par exemple. Qu'est-ce que c'est que Wikipédia? C'est un endroit où les utilisateurs écrivent des connaissances. Alors, ce ne sont que des connaissances, justement. C'est juste l'accumulation de... Enfin, à partir du moment où Wikipédia devient utilisé par de plus en plus de personnes et par des personnes qui sont des enseignants supérieurs, des savants, ces personnes-là sont capables de mettre... De corriger ou d'écrire des articles dans Wikipédia qui sont d'une très très haute qualité aujourd'hui. Alors, selon les sujets, certains sont polémiques, d'autres ne sont pas, etc. Mais il y a un certain nombre d'articles qui sont écrits par les meilleurs spécialistes de certains domaines, et vous pouvez y aller. Et effectivement, ce qu'il y a dedans sera certainement mieux que ce que moi je pourrais leur dire. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour leur dire, soyez critiques. C'est-à-dire, quand vous regardez un article sur Wikipédia, regardez quelles sont les références. Si vous lisez un livre, soyez critique par rapport à... Lisez-en pas un, lisez-en deux, lisez-en trois. Et qu'est-ce que c'est que le boulot d'un enseignant du supérieur? C'est d'accompagner les étudiants pour leur apprendre à formuler des problématiques scientifiques. Quand on dit dans le monde anglo-saxon, la terminologie pour la thèse, c'est le PhD, c'est-à-dire qu'on fait un doctorat de philosophie en chimie, en philosophie, en histoire. Mais voilà, un doctorat, c'est quoi? C'est une problématique et le chemin pour arriver à trouver cette problématique en utilisant les travaux des autres, en utilisant la masse de connaissances, etc. Mais si on réduit ça à la connaissance, effectivement, la commission a raison. Si on réduit à la transmission d'une dose de savoir-faire, de compétences, de conneries comme ça, effectivement, si c'est juste un supermarché, on prend les boîtes qu'on veut, on les pose dans le caddie, on passe à la caisse et c'est fini, on peut très bien se contenter des MOOC. Mais justement, ce qu'on doit défendre, à mon sens, dans l'université, c'est que c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça, c'est qu'on leur apprend. Je n'ai pas compris si votre propos, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Parce que vous avez commencé, de toute façon, j'ai pensé qu'il y avait un désaccord. Mais ce que vous dites là, j'ai passé une heure à parler d'initiation. Oui. L'initiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'initier à la critique, mais peut-être je vais en parler plus. Pas seulement la critique des références sur Wikipédia, initier aussi à la critique des valeurs depuis lesquelles j'oriente ma vie. C'est ça, à mon avis, l'enjeu. Et là, apparemment, on est d'accord sur ce point-là. Je pense que la réalité, par contre, est la suivante. La réalité, c'est qu'on voit de plus en plus, y compris sous le nom de culture aujourd'hui, c'est la circulation d'informations. C'est la circulation d'informations. Mais la circulation d'informations ne débouchera jamais sur la critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens apprennent aujourd'hui? C'est ce que je voulais dire, papier noté. Les gens passent aujourd'hui leur vie à échanger des messages. À tous les niveaux, y compris lors d'une soutenance de doctorat. C'est-à-dire, on reçoit, on transforme et on renvoie. Donc, vivre aujourd'hui, ça se réduit à cela, à l'échange d'informations. Mais la critique dont vous parlez, je pense, et celle que j'ai voulu dire aussi sous le nom d'initiation, vise justement à passer à autre chose. C'est-à-dire, comment peut-on prendre du recul par rapport à la circulation d'informations et comment peut-on s'interroger sur si c'est cela que c'est une vie? Est-ce que je vais passer ma vie à cela? À quoi je donne ma vie? C'est ce genre de questions qui sont au bout de la critique. Alain Caillé. Oui, je voudrais aborder la discussion par un bout un petit peu différent, qui est la question du statut des disciplines. Parce que je suis totalement d'accord avec l'essentiel de ce que vous dites. Il y a juste un point qui est un petit peu problématique, c'est que l'enseignement universitaire ne peut pas être réduit à l'initiation. C'est pas n'importe quelle initiation, c'est toujours une initiation déterminée dans un champ de savoir déterminé, à travers un champ de savoir qui est organisé par des disciplines. sans ça, les universitaires ne seraient que des prêtres ou des psychologues, fondamentalement. Donc c'est pas ça. Donc il faut réussir à marier les deux principes. Celui que vous dites, avec lequel je suis totalement d'accord, et qui effectivement avait très largement évincé tous les débats, la dimension d'initiation, mais qu'on pourrait retraduire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Fondamentalement, c'est une dimension de réflexivité, disait critique. Je préfère réflexivité, personnellement, peu importe. Voilà. Mais ce n'est pas n'importe quelle réflexivité, c'est une réflexivité par rapport à un champ de savoir déterminé. Alors, reprenons le problème par l'autre bout. Les auteurs que vous citiez comme référence tout à l'heure, que ce soit Lacan, que ce soit Barthes, que ce soit Foucault, justement, avaient pour particularité qu'ils n'étaient assignés à aucune discipline particulière. C'est ça qui leur permettait d'être dans l'envers de l'université et d'avoir cette dimension en partie initiatique. Foucault, on ne sait pas très bien s'il était historien, s'il était philosophe, s'il était sociologue, on ne sait pas trop. Lacan, personne ne sait ce qu'il était, lui-même non plus probablement. Et voilà. Et Barthes aussi était circulé, si vous voulez. Alors, donc, reprenons le problème. Un des problèmes de l'université dont on n'a pas discuté jusqu'à présent, c'est pas spécialement celui de la sélection, encore une fois, la sélection s'est très mal engagée sur des faux débats. J'ai pas plaidé ni pour la sélection, ni pour l'éviction des bacs pro, etc. C'est absolument pas la question. Bon, on a discuté comme ça, mais c'est vraiment pas la question. La question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'université, de l'initiation ou des disciplines? Et un autre problème de l'université, qui rend la réforme très compliquée, c'est que justement l'université, à certains égards, est extraordinairement peu universitaire. Extraordinairement peu universitaire par rapport à son idéal, son idée régulatrice initiale, qui était l'idée d'universalité des savants et d'universalité des étudiants, des savants. Puisque justement, elle, et surtout en France, beaucoup plus qu'ailleurs là encore, elle est organisée de manière strictement disciplinaire. Et cette disciplinarité s'est renforcée de façon absolument colossale depuis 30 ans. C'est-à-dire que chaque discipline en a surajouté sur les critères d'identité, d'appartenance disciplinaire. Si vous voulez, prenez un économiste, c'est impossible d'être recruté à l'université. Bon, si vous ne faites pas votre thèse avec bourrée d'équations et en anglais, et si par hasard vous avez le malheur de citer un philosophe dans une thèse d'économie, c'est un motif de non-recrutement. Non, mais je ne plaisante pas, j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Bon, et c'est vrai dans toutes les disciplines, fondamentalement. Je vois bien la mienne. Chaque discipline se recroqueville sur son noyau identitaire imaginaire. Donc, un des problèmes qu'on a pour retrouver ce que vous dites, c'est d'organiser ce minimum de réflexivité. Et ce minimum de réflexivité, il passe par la maîtrise d'au moins deux disciplines. C'est pour ça que je citais ça tout à l'heure, l'exemple des humanités modernes, sociologie plus histoire, ou sociologie plus économie, plus psychanalyse, ou n'importe quoi, si vous voulez, mais pour effectivement sortir de l'aveuglement disciplinaire. Et là, on peut commencer à mettre en place un travail de réflexivité ancré sur des disciplines, ce n'est pas un travail de réflexivité suspendu en l'air, mais articulé à des disciplines concrètes, en faisant franchir les frontières de ces disciplines à chaque fois. Et bien sûr, c'est ça le véritable travail universitaire. C'est ça que peuvent venir chercher des gens qui viennent du travail social ou d'ailleurs, ou des bacs pro, etc. Et encore faut-il leur ménager la possibilité d'y accéder. Voilà. Oui, juste. Oui, non. Non, je suis assez d'accord. Oui, je suis très largement d'accord. Ça, c'est à dénoncer les détails, par exemple. Je pense que c'est certainement difficile de domicilier le travail de Foucault dans une cartographie disciplinaire, mais c'est justement ce qui a fait l'intérêt de son travail. Lorsqu'il a écrit l'histoire de la folie, par exemple, tous les débats, savoir si c'était un travail d'historien ou pas, montrent qu'il était dans une frontière difficilement situable. Et ça vaut aussi pour Roland Barthes, même s'il se réclame de la littérature, il a une façon d'approcher la littérature qui va contre ce qu'il disait lui-même à l'époque de la sociologie structuraliste. Je pense que cette mise en série des champs qui sont hétérogènes, et là, elle travaille à la frontière de cette hétérogénéité-là, je crois que c'est, à mes yeux, très bienvenu. Surtout à l'égard de ce que vous disiez sur la transversalité, donc mille fois d'accord qu'on en parle beaucoup, mais que c'est intégré dans la pratique. Mais eux, ils étaient Et quand on regarde les discours de Roland Barthes, sa leçon inaugurale, il s'étonne du fait qu'il est au Collège de France avec une chaire qui s'appelle sémiologie littéraire, alors qu'il n'a justement pas eu un parcours disciplinairement correct. Mais je crois que ça fait bon ménage avec ce que vous avez bossé au sujet de par exemple, des doubles disciplines. Une dernière, Jean-Marie. Oui, je me méfie toujours un peu du consensus. Donc, quels sont vos dissensus, vos désaccords? Ils étaient là avant que vous arriviez. Il n'y a eu que du dissensus, rassurez-vous. Mais pas entre vous deux. Ah non, pas du tout. Je n'ai pas une grande expérience, mais peut-être pour de mon expérience à moi, j'ai des bons retours sur l'interdisciplinarité, enfin sur mélanger les disciplines en fait. Je suis géographe de formation et je ne suis pas trop ce que je suis maintenant. Je travaille avec des architectes, des aménageurs, des sociologues, des géographes, parfois avec des philosophes. Et à petite échelle, ça se passe bien, à l'échelle d'une petite équipe. Alors après, je pense qu'il y a une grosse différence entre le travail et quand on a un poste ou ce genre de choses, évidemment. Mais même dans, comme je suis thésarde, je me pose plus de questions que ça. Les autres me disent, non, mais fais ton sujet. T'embêtes pas avec la qualification du CNU, c'est pas ça qui est important. Ils disent globalement ça. Ils disent, ce qui est important, c'est de continuer ton travail, peu importe si, où est-ce que tu vas chercher, en socio ou en philo. Donc en fait, de mon expérience, c'est plutôt positif. C'est positif sur le fond. Là-dessus, on est totalement d'accord, ou c'est positif pour la carrière? Ah non, mais la carrière, non. C'est la seule chose que je dis, c'est que c'est interdit pour la carrière, c'est tout. C'est ce qui est désirable, ben, vous verrez le résultat, malheureusement. Je suis désolé. Je suis un petit peu plus optimiste, ouais. C'est-à-dire c'est quand même des choses qui évoluent un petit peu. Et ça, moi, je peux en témoigner, justement, ouais. Parce que la 27e informatique, était jusqu'à il y a quelques années, justement, très, très, comme vous disiez, centré autour de ça. Et, mes travaux personnels sont un peu plus... ne sont pas centrés sur le zéro humain, et plus tournés vers l'humain. Enfin, moi, je m'intéresse à la façon dont les ordinateurs, enfin, les technologies peuvent aider les personnes qui ont des handicaps. Qui ne peuvent pas utiliser un papier et un crayon, par exemple, parce que c'est un truc aussi de dire par l'ordinateur c'est pas bien, le papier et crayon c'est super bien, mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'utiliser de toute façon. C'est pour aider. Donc, et à partir de. Dans cette discipline-là, j'ai été qualifié au fonction de professeur il y a 3 ans, je n'aurais pas été il y a 15 ans. Clairement pas. Hein. C'est-à-dire, il y a 15 ans, on me disait, travail d'adaptation, même si tu fais des choses applicatives autour, mais il faut vraiment. Par contre, j'ai été qualifié par la CNU 27 il y a 4 ans, peut-être même 3 ans, c'était enfin bon, bref, il y a quelques années. Et donc, et j'ai bien senti que dans cette section-là, en tout cas, enfin dans une partie de cette, alors c'est pareil, il y a toujours des dinosaures, hein. Je fais peut-être partie d'ailleurs, mais il y a toujours un noyau des gens qui sont très très centrés sur le truc. Mais moi je sens en tout cas, bon, dans ma sous-partie d'informatique qui est la partie des ordinateurs qui aident les aides techniques pour les personnes handicapées et même plus largement les, tout ce qui est interface en machine, une évolution vers un peu plus d'ouverture. On a un laboratoire qui est pluridisciplinaire avec des gens sur la psychocognitive, de l'informatique, de l'ergonomie, différentes choses. Et bon, c'est un peu unique, enfin c'est. On nous a fait comprendre que c'était un peu atypique, on ne sait pas bien comment nous évaluer, parce que qui met dans la commission, parce qu'il y a que... Mais il n'empêche que ça devient de plus en plus accepté. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu plus optimiste sur cet aspect. Je reste aussi pessimiste. Non, je reste pessimiste sur la question. Votre question-là, je partage votre scepticisme. Je pense qu'il y a un dissensus implicite. Je vais me risquer, puis on verra si ma déclaration elle a obtient un consensus ou pas. Je pense que je me sens un peu beaucoup moins optimiste que mes collègues ici. Je pense que la situation Je pense comment ça va aussi Non, sauf nous deux. Ah bon. Je vais dire, je pense qu'il y a une question qu'on a un droit de se poser, c'est de savoir si l'extension illimitée de la loi de l'échange ne va pas venir au bout de ce qu'on appelait l'humanité. Ça, je pense que c'est une question importante, elle est sérieuse. Et je pense que je ne suis pas sûr qu'elle fasse consensus ici. Mais donc là, on a de quoi être assez, je ne vais pas dire désespéré, mais dans une désespérance importante. Quand on regarde ce qu'il disait Condorcet dans son tableau de l'esprit humain, il pensait que dans les siècles à venir, le développement de la science en harmonie avec celui du droit et celui de l'art conduirait à une sorte de tout qui serait celui de l'humanité à venir. Quand on regarde cela et on regarde l'état, le ton de l'époque aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet optimisme ni dans cet enthousiasme-là. On est plutôt inquiet, me semble-t-il, et même angoissé par rapport à cette affaire dans laquelle on est embarqué. Oui, vous avez raison, mais ça ne peut pas être le mot de la fin. Non. Le mot de la fin, c'est libre de convivialisme. Oui. Ça, c'est quelque chose dont le système a besoin. Il a besoin de l'angoisse, il a besoin du turnover permanent, que l'université est en crise et compagnie. D'accord. Mais oui, mais je vais dire, je donne un exemple plus concret parce qu'on n'en a pas parlé et je voudrais parler, mais ça, c'est un autre point. On observe aujourd'hui que ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, un peu partout, y compris dans l'université, pousse des gens au suicide. Ça, c'est une donnée. Donc, ça dit quelque chose de notre sort actuel. Mais cette désespérance, c'est pas justement le retour du sujet par la petite porte. Par le suicide. Évidemment, ça va jusqu'au suicide. C'est vraiment, c'est pour les justement, peut-être que si on arrive au suicide, c'est que finalement les leçons de l'envers de l'université ne passent pas et elles demeurent isolées. Il n'y a pas l'idée de convivialisme, c'est une manière aussi de rassembler tout ce qui est, disons, dans la partie obscure de nos sociétés et du discours. Alors, c'est pas le, se cacher. Le discours universitaire devient le discours néolibéral ou on dirait le discours dominant. Et donc, c'est bien cette forme-là dans laquelle nous, sujets, sommes privés de notre subjectivité et devons agir comme des rouages, des pièces dans une machine qui a été dessinée et construite par d'autres que nous. Et on a l'impression qu'en effet, il y a une sorte d'envers de cette société-là qui se manifeste dans tout un tas de pratiques locales, des pratiques de, je ne sais plus quoi, construction participative, développement durable à l'échelle locale. Je crois d'ailleurs qu'il y a le bouquin de Philardo et de Christian Laval qui sort aujourd'hui, commun, et qui est une sorte d'essai sur ce qui pourrait provoquer une révolution au XXIe siècle. Justement, la question est comment la société peut-elle devenir réflexive, et donc réflexive sur elle-même. Donc là, on n'est plus à essayer d'amener des gens, des personnes vers une certaine réflexivité, vers une autonomie. On essaye à partir de là de faire en sorte que nos sociétés civiles, qui en ont apparemment assez du système de la démocratie déléguée, de la démocratie représentative, qui ne représente plus rien, qui tourne comme une machine. Voilà. Et il y a, alors là, on peut être optimiste, je pense, sur ça peut-être, qu'il y a dans différents champs de cette société-là, pour l'instant, des initiatives qui s'ignorent et qui manquent d'un petit ciment, d'un lien, d'une sorte de réseau. Et oui, voilà. Et donc, la convivialité, le commun, réévalué, serait un moyen. Car j'étais frappé dans votre propos que finalement, on pouvait penser à une sorte d'enseignement qui serait une sorte de production de citoyens, donc de gens capables de penser par eux-mêmes, de faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie, dans toute cette communication, toutes ces informations qui arrivent, mais en même temps manquer le moment nécessaire, enfin inévitable, qui est le moment politique, à mon sens. Parce que je pense qu'il n'y a plus de politique. Je pense qu'il n'y a plus de politique. C'est-à-dire, si on est d'accord pour dire que la politique des institutions politiques, les partis, les assemblées, les élections, c'est pas ça la politique. Et à part ça, je pense qu'il n'y a plus de politique. Et je suis très sensible à ce qu'il a dit sur la parcellarisation, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Et si il faut parler de résistance, je suis d'accord avec les mots de résistance, ça sert toujours des foyers éparpillés de résistance. Je ne sais pas, je veux lire avec grande attention votre projet, mais ça m'étonnerait qu'il aille au-delà d'un foyer particulier, qu'il ait une visée. Je pense que c'est fini, cette idée que la politique était la grande mobilisation. Qui mobilise aujourd'hui, c'est le système. Les mots de Jung, de la mobilisation totale d'énergie, c'est le système qui l'accomplit, à travers en particulier son réseau multimédiatique, qui mobilise aujourd'hui cet TF1. Je pense qu'on est effectivement... vous avez bien entendu ce manque-là, c'est parce que je ne vois pas de politique aujourd'hui. Il y a une chance sur 100, il faut essayer de le faire revivre. Voilà. L'entreprise Balin Cahier va dans ce sens-là. Oui, et celle de la Vallée d'Ardo aussi. C'est le même projet, avec des signifiants différents et des trajectoires théoriques différentes. Ce qui me frappe à propos de Mme Fioraso, justement, du mois dernier, c'est qu'on voit très bien qu'elle est ventriloquée par tout ce que la communauté européenne était en train de dire il y a 10 ans. Donc, ce qu'on appelle les politiques aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des gestionnaires des affaires du système. Mais la politique comme idée, on n'a pas de politique parce qu'il y a une crise de l'idée. Je suis mille fois d'accord avec votre point de départ. Il y a une crise de l'idée. Et si on n'est plus susceptible à l'idée, il n'y a plus de politique. Et c'est pour ça qu'en ce sens-là, permettez-moi juste une référence hétérogène à l'université. Je pense que Marc Oranek, le cinéaste, qui a fait une trilogie qu'il appelle l'trilogie de la glaciation, c'est-à-dire de l'anesthésie, je pense qu'au fond, l'anesthésie dont il parle, c'est justement l'anesthésie à l'égard des idées. On est plus sensible aux idées. Je vois ça tous les jours, un coup. Les gens veulent savoir justement, mais à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quelle est ma rentabilité, c'est les calculs en tant que calcul du capital humain. Donc comment faire une politique avec ça ?